Les délégations et délégués des organisations d'études des études du jutsu ont séjour en Corée à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, ont visité le 7 courant l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang. Les hôtes étrangers ont rendu hommage devant le tableau de peinture représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il qui se trouvent avec les enfants. Le même jour, ils ont visité aussi le palais des sciences et techniques.